Premier livre de Samuel, chapitre 20. Et David s'enfuyant de Najoth qui est en Rama, s'en vint, et dit devant Jonathan, qu'ai-je fait? Quelle est mon iniquité, et quel est mon péché devant ton père, qu'il recherche ma vie? Et Jonathan lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point. Voici, mon père ne fait aucune chose, ni grande, ni petite, qu'il ne me la découvre, et pourquoi mon père me cacherait-il cette chose-là, il n'en est rien. Alors David jurant, dit encore, ton père sait certainement que je suis dans tes bonnes grâces, et il aura dit, que Jonathan ne sache rien de ceci, de peur qu'il n'en soit attristé, mais l'Éternel est vivant, et ton âme vit, qu'il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Alors Jonathan dit à David, que désires-tu que je fasse? Et je le ferai pour toi. Et David dit à Jonathan, voici, c'est demain la nouvelle lune, et j'ai accoutumé de m'asseoir auprès du roi pour manger, laisse-moi donc aller et je me cacherai au champ, jusqu'au troisième soir. Si ton père vient à s'informer de moi, tu lui répondras, on m'a demandé instamment que David, allant diligence à Bethléem sa ville, parce que toute sa famille fait un sacrifice solennel. S'il dit ainsi, à la bonne heure, cela va bien pour ton serviteur. Mais s'il se met fort en colère, sache que sa malice est venue à son comble. Use donc de gratuité envers ton serviteur, puisque tu as fait entrer ton serviteur en alliance avec toi, le nom de l'Éternel y étant intervenu, que s'il y a quelque iniquité en moi, fais-moi mourir toi-même, car pourquoi me mènerais-tu à ton père? Et Jonathan lui dit, à Dieu ne plaise que cela t'arrive, car si je puis connaître en quelque sorte, que la malice de mon père soit venue à son comble pour se décharger sur toi, ne te le ferai-je point savoir? Et David répondit à Jonathan, qui me fera entendre quelle réponse fâcheuse t'aura faite ton père? Et Jonathan dit à David, viens et sortons au champ. Ils sortirent donc eux deux au champ. Alors Jonathan dit à David, ô Éternel, Dieu d'Israël, quand j'aurai sondé mon père demain, environ 7 heures ou après-demain, et qu'il y aura du bien pour David, si alors je n'envoie vers toi, et si je ne te le découvre, que l'Éternel fasse ainsi à Jonathan, et ainsi ajoute, que si mon père a résolu de te faire du mal, je te le ferai savoir, et je te laisserai aller, et tu t'en iras en paix, et l'Éternel sera avec toi, comme il a été avec mon père. Mais n'est-il pas ainsi, que si je suis encore vivant, n'est-il pas, dis-je ainsi, que tu useras envers moi de la gratuité de l'Éternel, en sorte que je ne meure point? Et que tu ne retireras point, ta gratuité de ma maison à jamais, non pas même quand l'Éternel retranchera tous les ennemis de David de dessus la terre? Et Jonathan traita alliance avec la maison de David, en disant, que l'Éternel le redemande de la main des ennemis de David. Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait autant que son âme. Puis Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, et on s'informera de toi, car ta place sera vide. Or ayant attendu jusqu'au troisième soir, tu descendras en diligence, et tu viendras au lieu où tu t'étais caché le jour de cette affaire, et tu demeureras auprès de la pierre des ailes. Et je tirerai 3 flèches à côté de cette pierre, comme si je tirais à quelque but. Et voici, j'enverrai un garçon, et je lui dirai, va, trouve les flèches. Et si je dis au garçon en termes express, voilà, les flèches sont au-dessous de toi, prends-les, et t'en viens, alors il va bien pour toi, et il n'y aura rien, l'Éternel est vivant. Mais si je dis ainsi au jeune garçon, voilà, les flèches sont au-delà de toi, va-t'en, car l'Éternel te renvoie. Et quant à la parole que nous nous sommes donnée toi et moi, voici, l'Éternel est entre moi et toi à jamais. David donc se cacha au champ, et la nouvelle lune étant venue, le roi s'assit pour prendre son repas. Et le roi s'étant assis en son siège, comme les autres fois, au siège qui était près de la paroi, Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David était vide. Et Saül n'en dit rien ce jour-là, car il disait en soi-même, « Il lui est arrivé quelque chose, il n'est point net, certainement il n'est point net. » Mais le lendemain de la nouvelle lune, qui était le second jour du mois, La place de David fut encore vide, et Saül dit à Jonathan son fils, « Pourquoi le fils d'Isaï n'a-t-il été, ni hier ni aujourd'hui au repas ?» Et Jonathan répondit à Saül, « On m'a instamment prié que David alla jusqu'à Bethléem. Même il m'a dit, « Je te prie, laisse-moi aller, car notre famille fait un sacrifice en la ville, et mon frère m'a commandé de m'y trouver, maintenant donc si je suis dans tes bonnes grâces, je te prie que j'y aille, afin que je voie mes frères. » C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils de la méchante Béel, ne sais-je pas bien que tu as choisi le fils d'Isaï à ta honte, et à la honte de la turpitude de ta mère ? Car tout le temps que le fils d'Isaï vivra sur la terre tu ne seras point établi, ni toi, ni ton royaume, c'est pourquoi envoie sur l'heure, et amène-le-moi, car il est digne de mort. » Et Jonathan répondit à Saül son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir ? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül lança une hallebarde contre lui pour le frapper. Alors Jonathan connut que son père avait conclu de faire mourir David. Et Jonathan se leva de table tout en colère, et ne prit point son repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait déshonoré. Et le lendemain matin Jonathan sortit au champ, selon l'assignation qu'il avait donnée à David, et il amena avec lui un petit garçon. Et il dit à son garçon, « Cours, trouve maintenant les flèches que je m'en vais tirer. » Et le garçon courut, et Jonathan tira une flèche au-delà de lui. Et le garçon étant venu jusqu'au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria après lui, et lui dit, « La flèche n'est-elle pas au-delà de toi ?» Et Jonathan cria après le garçon, « Hâte-toi, ne t'arrête point !» Et le garçon amassa les flèches, et vint à son seigneur. Mais le garçon ne savait rien de cette affaire, il n'y avait que David et Jonathan qui le sussent. Et Jonathan donna son arc et ses flèches au garçon qu'il avait, et lui dit, « Va, porte-les dans la ville. » Et le garçon s'en étant allé, David se leva du côté du midi, et se jeta le visage contre terre, et se prosterna par trois fois, et ils se baisèrent l'un l'autre, et pleurèrent tous deux, jusqu'à que David pleura extraordinairement. Et Jonathan dit à David, « Va-t'en en paix, selon que nous avons juré tous deux au nom de l'Éternel, en disant, « L'Éternel soit entre moi et toi, et entre ma postérité et ta postérité à jamais. » David donc se leva, et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville.